Sans doute, yo, sans doute, frère. Siru. Ouais. Ah. Siru, ils sont très fucked up, frère. Très fucked up, très fucked up. Non, mais. Dis leur, hein. Hey yo, je regarde sur rue, je vois que des drogués, que des fils de pute. Finir ma vie comme ça, c'est pas mon but. Mon but c'est de faire cesser les larmes. Faire braquer les armes, ensuite ça fait rallumer les flammes. J'ai son pas sous drame, fiston c'est dommage. Dans mon entourage, j'ai trop de chômage, et c'est la rage. J'espère un jour bien tourner la page. Mais quand les cops viennent dans notre cœur, fiston on reste sage. Comme trois enfants qui se meurent ensemble sur la plage. Mais notre réalité est frappée par toute une autre image. Image d'une réalité qui est bien glacée. Comme m'a dit Shuriken derrière 3 ans passés. Le temps nous laisse alors on finit les shit. Il cesse, trop de stress, il va falloir qu'on décompresse. Si j'ai une grossesse qui rend l'histoire et des top silettes, il fout la peau dans le tête. Et c'est pour ça maintenant qu'ils sont en zèle. J'avoue que parfois la vie est complexe, mais ça nous donne pas le droit de faire toutes sortes de choses que t'aimes. Comme des femmes qui fument du blesse pendant toute leur grossesse. Souviens des triples cas qui laissent aller de bombes dans une messe. Tu sais, il faut que ça cesse. Y'a que la haine qui se manifeste. Ici on se tue pour nous. Ici les causes prennent soin du reste. Et yo, ils nous empressent. Mais c'est dans l'ouest que tu baignes. Peu importe, je nous soir et c'est la violence qui règne. Tout le monde est dingue. Ici même nos femmes achètent des flingues alors. On boit dans le plan jusqu'à tout qu'on se fout dehors. Éternellement c'est le chemin de l'or. Et si tu ne la donnes pas, il va falloir que je t'en sors. Et ici le score, 3-0 pour ma clique. En 99 il fallait mettre une cape sur le dick à cause de bitch. Qui font penser à des sales flics. Des sales flics qui veulent ralentir sur notre flow de flic. Mais fuck that. Comme arsenique, et si tu contre-attaques, fais gaffe à ma réplique et ma technique. Sadique et dangereux pour tous ceux ambitieux, pour tous ceux envieux de la vie luxueuse. Qui sont pensés, nous sommes nombreux, vous êtes juste eux. Et là dans le soir, on pourrait faire ça où tu veux. L'enfer m'appelle car je suis parmi eux. Et yo, c'est pas un jeu, piston, restons sérieux. Nous sommes pleins de mystères, étrange univers, car tout est fucked up. Dans ce nouveau millénaire, et j'ai des disques verts. À tous mes frères en galère, quelle que soit la pression, piston, ne te laisse pas faire. Nous sommes pleins de mystères. Étrange univers, car tout est fucked up. Dans un nouveau millénaire, et je dédie ce vers à tous mes frères en galère. Quelle que soit la pression, fiston, ne te laisse pas faire. Frérot, ici, toutes mes frères, y'a mon dos. Le sang est latino, contrôle ses sections comme un casino. Scarface comme un Pacino. Avec ses lyrics toxiques, au cause du tour, ma jatte, il signe vito. C'est comme des coups de couteau dans ta tête, maintenant c'est plus la fête. La bête vienne pour qu'elle nous enquête. Entoure nos ennemis comme des clans de guerre. Ici, contre tout ça, qu'on les écrase à tous comme des crêpes. Je sais pour le moment, ça les inquiète. Finir leur vie en tête, sans maison, voiture ou même des cigarettes. On finira tous sur nos planètes. Bien loin de celle-ci où se passe beaucoup trop de choses secrètes. Chose pas correcte. Il va falloir qu'ils nous respectent, sinon on bat tous les déchirés comme les mauvais chèques. Et reste direct avec ces jeunes gousses. De nos jours, ils me stressent en logique des tendances violentes des 4 ou 7. Manifeste ces connexions directes avec ces sales mecs, tous ces sales mecs qui rendent ma vie suspecte. Je suis clé de baisse pour tous ces architectes. Maintenant, on vend des raps comme dans on vend des sacs de cesse. Et ouais, comme s'il faut face à la défaite. Nouvelle recette pour expédier ces fausses têtes à haute vitesse. Ils sans cesse accumulent la richesse jusqu'à temps que les architectes font partie de la noblesse. Ils sont pleins de mystères. Étrange univers, car tout est fucked up. Dans ce nouveau millénaire, et j'ai de dissévère. À tous mes frères en galère, quelle que soit la pression, piston, ne te laisse pas faire. Ces rues sont pleines de mystères. Étrange univers, car tout est fucked up. Dans ce nouveau millénaire, et j'ai de dissévère. À tous mes frères en galère, quelle que soit la pression, piston, ne te laisse pas faire. Non, c'est...